juste un amour de jeunesse. Tu vois la princesse, j'ai le smile on my face. Je ne voulais pas que ça se s'arrête. Tes larmes tombent sur le sol, ne me laisse pas seul. Nous avons grandi, changé de vie, maintenant c'est fini. Les souvenirs me reviennent quand toi et moi on s'aimait. L'époque était cool, mais maintenant je coule. L'amour de jeunesse me blesse seul sur la plage. Non mais puis j'en tournerai pas cette page. Le passé est bon à penser, tu me taquinais pour que je te refasse des câlins. Je le savais que tu m'aimais, j'étais pas bête mais mal. Nos premiers baisers à l'abri des regards. Oh, oh, oh. Main dans la main comme un vrai couple, souvent c'était fini le lendemain. À 13 ans la vie était belle, les filles étaient clean et belles, les mecs souvent bêtes. On aimait les embêter ou les taper, parfois les embrasser, souvent les insulter. Mais il faut tout pour faire un monde, il faut de tout pour faire un homme. Bisous sur la joue, puis elles deviennent toutes rouges, c'était la old school. Elle vaut toujours pour un rien, elle ne lâche rien. Dans ma jeunesse j'ai eu des princesses, mais l'amour est instable. Il y a eu des jours où il tombe depuis l'époque du cartable. Tout a changé, j'ai tout un cimetière d'amour. Mais je suis à mon compte, tu te rends compte. Je suis pas un cimetière d'amour. Mais je suis à mon compte, mon mal compte. Je suis passé d'une copine par jour à une copine par an. 10, 11, 12, 13 ans seront de toi je parle, mais ça ne ressemblera jamais à un old school love. A l'époque c'était du real love. Du real love, du real love, du real love. A qui si c'était fini, et puis c'est reparti avec d'autres filles. Quel jeu débile, quel jeu débile, quel jeu débile. On était jeunes, on était cons, mais c'est notre old school love. Ah, nous, seulement nous.